Bonjour amis cancer. Alors bienvenue dans votre tirage du Béline concernant votre mois de septembre 2023. Donc pour la rentrée, nous avons décidé de revenir à un tirage plus général, car il y a beaucoup de choses qui se passent souvent à la rentrée, c'est un nouveau cycle. Donc on va voir de quel domaine veut vous parler l'oracle de Béline. Je m'adresse aux cancers et aux ascendants cancer. On va regarder. Septembre 2023. Qu'en est-il? Ouh! Alors, on va voir. Ça peut vouloir dire plein de choses. Ces deux cartes peuvent indiquer un rapport de force amoureux qui peut vous emmener dans une passion un peu compliquée, complexe. Voilà. Principalement, ça parle de cela. Maintenant, ça peut être aussi des rapports. Il faut voir le reste du tirage. Ça peut être aussi des rapports professionnels avec des gens que vous aimez bien. Voilà, on va regarder. En tout cas, c'est assez passionné et un peu complexe. 1, 2, on va faire le tirage donc complet du Béline pour les cancers pour septembre 2023. Ah bah décidément, ça parle beaucoup de profession, hein. Mais profession ou activité socio-professionnelle. Alors, apparemment, dans le passé proche ou tout début septembre, peut-être avant les vacances ou tout début septembre, vous avez eu des difficultés au sein de votre entreprise, au sein du groupe dans lequel vous travaillez, que ce soit un tout petit groupe ou un très gros groupe, ou dans vos démarches si vous ne travaillez pas actuellement. Donc c'est vrai que vous êtes voilà, vous êtes un petit peu, vous démarrez un petit peu avec une peut-être un goût amer ou des doutes. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'oracle de Béline, il vous annonce pourtant, avec ces deux cartes-ci, une énorme, ce qui rayonne donc sur le jeu, on vous parle de boulot et de chance au travail. Et quelle est cette chance? Eh bien, c'est un contrat solide, durable. Donc, pour ceux qui cherchent du travail, il y en a un à la clé. Vous pourriez trouver un emploi en septembre, hein, parce qu'ici, c'est très marqué. Et pour ceux qui en ont un, on vous dit, ne vous inquiétez pas s'il y avait une mauvaise ambiance dernièrement. Les choses devraient se rétablir. De nouveaux éléments vont arriver, peut-être des nouvelles personnes, en tout cas qui vont améliorer l'ambiance ou améliorer une situation, et vous allez vraiment vous sentir beaucoup mieux au sein de votre entreprise. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une belle rentrée 2023.